chanson qui aille dans toutes les maisons. Il faut fredonner sans façon un petit air tout bête qui trotte dans la tête. Trois notes de musique, une petite mélodie sympathique, et puis frapper sur le piano ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do. Il faut un refrain. Eh bien ça c'est très bien. Et puis un couplet. Tu viens de le trouver. Alors il faut chanter tous ensemble sans hésiter. D'abord à l'unisson pour essayer notre chanson. Pour faire une chanson qui aille dans toutes les maisons, il faut fredonner sans façon un petit air tout bête qui trotte dans la tête. Trois notes de musique, une petite mélodie sympathique, et puis frapper sur le piano ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do. Si l'on veut aussi, on peut faire un pont, changer d'harmonie pour changer la chanson, rajouter ici un ou deux accords. C'est joli, chante encore. D'accord. Pour faire une chanson qui aille dans toutes les maisons, faudra écrire des partitions, une orchestration pour 200 violons, des notes de musique pour un orchestre symphonique, toujours rythmé par le piano. Avec nous il faut chanter, attention car maintenant on va trouver un contre-chant. Pour faire une chanson qui aille dans toutes les maisons, il faut fredonner sans façon un petit air tout bête qui trotte dans la tête. Trois notes de musique,